Mon neveu, dis-tu, n'est point ici? Non, monsieur, je l'ai cherché partout. C'est impossible. Il est 5 heures précises. Ne sommes-nous pas chez la comtesse? Oui, monsieur, voici son piano. Mais est-ce que mon neveu n'est pas amoureux d'elle? Si fait, monsieur, comme d'habitude. Est-ce qu'il ne vient pas la voir tous les jours? Monsieur, il ne fait pas autre chose. Est-ce qu'il n'a point reçu ma lettre? Pardonnez-moi, ce matin même. Il doit donc être dans ce château, puisque je ne l'ai pas trouvé chez lui. Je lui avais demandé que je quitterais Paris à 1h15, que je serais par conséquent à Montgeron à 3h. De Montgeron ici, il y a 2 lieues et demie. 2 lieues et demie, mettons 5 quarts d'heure, en supposant les chemins mauvais. Mais à tout prendre, ils ne le sont point. Bien au contraire, ils sont fort bons. Partant à 3h de Montgeron, je devais par conséquent être au Tournebride positivement à 4h15. J'avais une visite à faire à M. Duplessis qui devait durer tout au plus 1 quart d'heure. Donc, avec le temps de venir ensuite ici, cela ne pouvait me mener plus tard que 5h. Je lui avais demandé tout cela avec la plus grande exactitude. Or, il est 5h précisément et quelques minutes maintenant. Mon calcul n'est-il pas exact? Parfaitement, monsieur. Mais mon maître n'y est point. Ces paquets, du moins, sont-ils faits? Quel paquet, monsieur, s'il vous plaît? Ces malles sont-elles préparées, là-bas, à son château? Pas que je sache, monsieur, aucunement. Je lui avais cependant demandé que la grande duchesse était accouchée. La duchesse de Saxe-Gotha, Germain, ce n'est pas une petite affaire. Je le crois bien. Je lui avais écrit que monsieur Després, avant-hier soir, était venu me rendre visite. Monsieur Després arrivait de Saint-Cloud. Il venait me prévenir que le ministre me priait de passer dans la matinée du lendemain, c'est-à-dire hier, à son cabinet. J'allais obéir à cet ordre lorsque je reçus l'avertissement que le ministre était à Compiègne. Il y avait accompagné le roi. Ce fut donc à Compiègne que je me rendis. Comme je savais de quoi il s'agissait, il n'y avait pas de temps à perdre, tu le comprends. Sans aucun. Le ministre était à la chasse. On me dit d'aller chez monsieur de Gircourt, qui me conduisit en secret jusqu'aux petits appartements. Le roi venait de partir pour Fontainebleau. Cela était fâcheux. Point du tout. Je tiens seulement à te faire remarquer combien je suis ponctuel en toute chose. Oh, pour cela, oui. Ah, la ponctualité est en ce monde la première des qualités. On peut même dire que c'est la base, la véritable clé de toutes les autres. Car de même que le plus bel air d'opéra ou le plus joli morceau d'éloquence ne saurait plaire hors de leur lieu et place, de même les plus rares vertus et les plus gracieux procédés n'ont de prix qu'à la condition de se produire en un moment distinct et choisi. Retiens cela, Germain, rien n'est plus pitoyable que d'arriver mal à propos. Il trouve d'ailleurs le plus grand mérite. Témoin ce célèbre diplomate qui arriva trop tard à la mort de son prince et vit la reine mettant ses papillotes. Ainsi se détruisent les plus beaux talents. Et l'on a vu des gens couverts de gloire dans les armées et même dans le cabinet perdre leur fortune faute d'une montre convenable et ponctuellement réglée. La tienne va-t-elle bien, mon ami? Je la mets à l'heure continuellement, monsieur. Fort bien. Tu sauras donc enfin que, ayant rencontré à Compiègne le marquis de Morivaux, qui me donna une place dans sa voiture, j'appris que l'on m'avait trompé par des renseignements peu exacts et que le ministre revenait à Paris. Son Excellence me reçut à 2h30 et voulut bien m'annoncer elle-même que la grande duchesse de Gotha était accouchée, comme je te le disais tout à l'heure, et que le roi avait fait choix de moi et de mon neveu pour aller la complimenter. À Gotha, monsieur. À Gotha. C'est un grand honneur pour ton maître. Oui, monsieur. Mais il est sorti. Voilà ce que je ne puis comprendre. Il est donc toujours aussi étourdi, aussi distrait que de coutume, toujours oubliant tout. On ne peut pas trop dire, monsieur. Ce n'est pas qu'il oublie, c'est qu'il pense à autre chose. Il faut qu'il soit en route sans faute demain matin pour l'Allemagne. Et il n'a donné aucun ordre pour son départ? Non, monsieur. Ce matin seulement, avant de sortir, il a ouvert une grande caisse de voyage et il s'est promené bien longtemps tout alentour. Et qu'a-t-il mis dedans? Un papier de musique. Un papier de musique? Oui, monsieur. Après quoi, il a fermé la caisse avec bien du soin et il a mis la clé dans sa poche. Un papier de musique. Toujours des folies. Si le roi savait cette maladie-là, oserait-on lui confier une mission d'une si haute importance? Heureusement, il est sous ma garde. Enfin, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Il a chanté, monsieur, toute la journée. Il a chanté? À merveille, monsieur. C'était un plaisir de l'entendre. Le beau prélude pour un ambassadeur. Tu as quelque bon sens, Germain. Dis-moi, le crois-tu réellement capable de se conduire sainement dans une conjoncture si délicate? Quoi, monsieur, d'aller à Gotha faire la révérence chez une accouchée? Il me semble que j'irai moi-même. Tu ne sais pas de quoi tu parles? Monsieur de la Grande Duchesse, c'est vous qui me dites qu'elle est accouchée. Il est vrai qu'elle a donné le jour à un nouveau rejeton d'une tige auguste. Mais qu'a fait encore mon neveu? Il est venu ici, je ne sais combien de fois, frapper à la porte de madame la comtesse. Ah, et où est-elle, la comtesse? Monsieur, elle n'est pas levée. À cette heure-ci? C'est inconcevable. Elle ne dîne donc pas, cette femme-là? Non, monsieur, elle soupe. Autre cervelle fêlée. Beau voisinage pour un fou. Mon maître serait bien fâché, monsieur, s'il s'entendait traiter de la sorte. Lorsqu'on se hasarde à lui faire remarquer la moindre distraction de sa part, il entre dans une colère affreuse. À telle enseigne que l'autre jour, il a manqué de m'assommer parce qu'il avait, au lieu de sucre, versé son tabac sur ses fraises. Et hier encore... Juste Dieu, est-il croyable qu'un homme de mérite, et du plus haut mérite, Germain, car mon neveu est fort distingué, tombe d'une manière aussi puérile dans des égarements déplorables. Cela est bien funeste, monsieur. Ne l'ai-je pas vu de mes propres yeux traverser les mains dans ses poches, une contredanse royale, et se promener au milieu du quadrille, comme dans l'allée d'un jardin? Parbleu, monsieur, il a fait l'appareil l'autre soir chez madame la comtesse. Il y avait grande compagnie, et monsieur Vertigo, le poète d'à côté, lisait un mélodrame en vers. À l'endroit le plus touchant, monsieur, quand la jeune fille empoisonnée reconnaissait son père parmi les assassins, quand toutes ces dames fondaient en larmes, voilà mon maître qui se lève et s'en va boire le verre d'eau que l'auteur avait sur sa table. Tout l'effet de la scène a été manqué. Cela ne m'étonne pas. Il a bien mis un jour 30 sous dans une tasse de thé que lui présentait une charmante personne, croyant qu'elle quêtait pour les pauvres. L'hiver dernier, vous étiez absent lors du mariage de monsieur son frère. Il devait, comme vous pensez, faire les honneurs au repas de noces. J'entre chez lui vers le soir pour l'aider à faire sa toilette. Il me renvoie, se déshabille lui-même, puis se promène une heure durant, sauf votre respect, en chemise. Après quoi, il s'arrête court, se regarde dans la glace avec étonnement. « Que diable fais-je donc ?» se demande-t-il. « Parbleu, il fait nuit, je me couche. » Et là-dessus, il se mettait au lit, oubliant la noce et le dîner si nous n'étions venus l'avertir. « Oui, tu crois qu'un pari extravagant est capable d'aller à Gotha ? Vois quelle tâche j'entreprends, Germain. Car il faut bien bon gré, malgré que la volonté du roi s'accomplisse. Il n'y a pas à dire, c'est mon neveu qui a le titre. Je ne fais que l'accompagner. On lui donne ce titre parce qu'il porte un nom, celui de son père, qui est plus que le mien. » Et c'est moi qui suis responsable. Puisque mon maître a du mérite. Sans doute, mais cela suffit-il. Il m'avait promis de se corriger. Il s'y étudie, monsieur, tout doucement. Mais il n'aime pas qu'on le contrarie. Et si vous m'en croyez... Ah, ça c'est donc une gâchée. Le voici.